Galerie Est. Des rats, par milliers. Des rats entouraient Wish City et la chose qu'ils désiraient plus que tout autre, c'était ce trou dans le grand plafond. Ce trou qui décidément amenait plus qu'une simple lumière étrange dans la vie des Bifwish, des gnomes des profondeurs. Poussé par la curiosité, j'avais emmené Booz voir le grand trou dans la galerie Est, galerie que notre grand dirigeant avait décidé de boucher. Pour cacher quoi? La porte vers un autre monde? Le ciel, disaient les persévères, ces sages siamois vivant en ermite autour de Wish City. Le ciel, c'était le nom du nouveau grand plafond, du grand plafond d'un autre monde. Oh la vache, elle est belle. D'une, je ne suis pas une vache, et de deux... merci pour le compliment. Même si je suis toute pleine de poussière. Qu'est-ce que vous faites là? Elle devait venir, c'était écrit. Écrit, mais où ça? Mais et vous, qu'est-ce que vous faites là, hein? Et c'est quoi cette histoire de rat? Elle nous espionnait! La fille du grand dirigeant nous espionnait! Non, non, navré de te décevoir, toi le gros. Mais je suis venu ici pour voir le grand trou dont tout le monde parle tant, avant que mon père ne décide de bloquer toute l'entrée. C'est moi le gros? Oui, c'est toi. Oh la salope! Vous êtes tous réunis ici, et l'histoire est en marche. Vous êtes tous réunis ici, et l'histoire est en marche. Mais de quoi il parle, lui? Et puis vous êtes qui? Je vous préviens, hein, que si vous essayez de me violer, je crie très fort. Ah! Comme ça, mais en vachement plus fort. Nous sommes des creuseurs, mademoiselle Mila. Booz et moi, je m'appelle Squeak, on est venu voir le grand trou aussi, voir ce qui avait tué nos compagnons. Ah ouais, désolée pour, je veux dire, toutes mes condoléances. Et eux là, c'est qui? Mila s'est avancée vers nous. Les persévères restaient toujours dans le halo lumineux projeté par le grand trou. Les persévères restaient toujours sous le ciel. Les pères des Bifwish. Quoi? Les persévères? Mais ça, c'est un conte pour enfants, mon jeune ami. Non, allez, sans déconner. Non, je déconne pas. Hein. Ce truc-là, avec trois têtes? Ce sont les anciens conseillers de mon père. Les premiers conseillers du grand dirigeant de Wish City. Oui, nous étions les premiers. Longtemps. Il y a longtemps. Bon, d'accord, très bien. Bah, c'est pas tout, mais il se fait tard, je dois rentrer chez moi. Et puis mon lit m'attend. Pardon, je dois mettre la viande dans le torchon, hein, comme on dit chez vous. On dit pas ça chez nous. Mademoiselle Mila. Vous ne partirez pas d'ici avant que nous ayons parlé. Oui, d'accord, c'est ça. Allez, au revoir. Mila a tourné les talons en direction du petit passage. Les persévères ont levé les bras au ciel. Qu'est-ce qu'ils font? Aucune idée, mais j'ai pas confiance. J'ai tourné la tête vers Mila, puis je suis revenu sur les persévères qui... Ils n'étaient plus là! Ils avaient disparu! Ah bah, mais comment vous avez fait ça? Squeak! Regarde! Les persévères avaient brusquement réapparu devant Mila, entre la sortie et elle. Vous ne partirez pas d'ici avant de nous avoir écoutés. Ils se moquent de l'avenir, n'est-ce pas? Oui, ils ne pensent pas aux conséquences. Toujours, toujours à penser à son bien-être. Un grand danger se prépare. Ouais, d'accord. Mais vous l'avez déjà dit, ça, hein? C'est vrai que vous le répétez souvent, ça. La terre a tremblé. Les persévères disparurent à nouveau dans un nuage de fumée verte. Hé, hey, toi! Oh! Ils réapparurent juste devant moi. Squeak, il est clair que vous changerez l'avenir de votre peuple. Vous trois, vous défierez les rats. Vous trois aurez seul conscience du drame qui va se jouer. Vous trois, seuls, aurez le courage d'affronter le nouveau monde. Hein? On va vivre des aventures, c'est ça? Écoutez, c'est bien gentil tout ça, la mais... La tristesse, Mila, vous la ressentirez. Votre cœur, vous perdrez. Seul un autre pourra vous le rendre. Les voix des pères devenaient... plus forte, vibrante, comme venue d'outre-tombe. Booz tremblait. Mila pâlissait. J'avais envie d'uriner. Vous, Booz, le courage. Putain, mon gars, waouh! Vous allez être courageux. Et vous, Squeak? Des trois, vous perdrez le plus. Pour en gagner tout un temps. Mais enfin, je veux dire, pour les rats, tout ça, concrètement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis qu'un creuseur. Les rats arriveront, vous les repousserez. Les rats arriveront, vous vous enfuirez. Les rats arriveront, ils pilleront. Les rats... arriveront et le sort de vous trois sera scellé. Vous allez changer l'histoire de votre monde, Squeak. Vous allez écrire l'histoire de votre monde. Ce mec commence vraiment à me foutre la trouille. Mais comment ? Je veux dire, on peut rien faire. Si les rats attaquent réellement, on peut rien faire. Qu'est-ce que je pourrais changer ? Je suis juste un creuseur, vous comprenez ? Allez chercher vos héros ailleurs. Je peux pas découvrir quoi que ce soit. Je peux pas sauver quoi que ce soit. Je suis qu'un gnome, un bifwish, un être tout petit. Qu'est-ce qu'un gnome petit peut changer dans ce monde ou dans un autre ? Les trois visages des persévères se teintèrent d'un sourire narquois. Il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes choses. Non, il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes choses. Votre peuple vous devra beaucoup. Tous les trois ensemble, vous ferez de grandes choses. Oh, la mort sera votre quotidien. Dangereux sera le chemin. Mais nous avons confiance. L'avenir est trouble. Mais nous avons confiance. Vous ferez... Vous faites dessus. Mais ce que vous me dites là, c'est pas rassurant. Vous aurez bientôt fait de vous inquiéter, Squeak. Votre avenir est maintenant entre vos mains. Nous vous avons dit ce que nous pouvions vous dire maintenant. Oh, il est l'heure. Oui, quelle heure est-il? Oh, 2 heures moins le quart. Rentrons dans le placard. Dodo, dodo, fais l'enfant d'eau. L'enfant qui? Allons se brosser les dents, pardi. Et ensuite, dormons jusqu'à ce... Jusqu'à ce que les rats se déversent sur Wish City. Les persévères disparurent définitivement, laissant derrière eux trois pauvres bifwish troublés, deux creuseurs, une princesse, Booz, moi et Mila. Bifwish.